croyais que ton dieu aimait pardonner. Tant l'autre jouait toute cette merde. Tu veux mon plat dans la gueule? Bon vendredi soir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On va être ensemble pour la prochaine heure pour une heure d'indie rock, de rock indépendant, de grunge, d'alternative, de shoegaze, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Ce soir, dans la liste des chansons, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont sortis depuis le début de l'année, même des choses très très récentes, comme par exemple une nouveauté, un nouveau EP 3 chansons des Montréalais de Mavo, également du Ocean Love, aussi Love Junkies, Slugs et à la fin de l'émission KVB, un truc le shoegaze super intéressant. Et comme d'habitude, la liste des chansons va se retrouver à la fin sur le CISM 893.ca. C'est également l'endroit où vous pouvez aussi écouter l'émission toujours en streaming, à défaut de trouver un nom en français. Donc, on va commencer l'émission de ce soir avec deux grosses nouveautés, en fait. Vous allez entendre dans ce premier segment le deuxième extrait de l'album d'Holograms qui s'en vient en septembre prochain. Mais on commence avec un groupe que j'aime vraiment beaucoup. C'est les Espagnols de Triangulo de Amor Bizarro qui viennent de lancer Victoria Mystica, leur troisième album en carrière. Un album qui encore une fois, utilise beaucoup le fuzz et le reverb, mais encore d'une façon encore plus intense et à mon plus grand plaisir. Comme d'habitude, il s'agit aussi d'une très bonne raison pour apprendre l'espagnol, la musique de Triangulo de Amor Bizarro. On va entendre leur chanson Enemigos del Espíritu, qui veut dire ennemi de l'esprit. Vous écoutez ça sur les ondes de CISM. Yeah. Meditations, un extrait de Forever, l'album des Suédois Dolograms, qui est attendu pour le 3 septembre sur Capture Tracks Records. Et Holograms était passé l'automne passé à Montréal pour promouvoir leur premier album. Donc on imagine, ou en fait je souhaite qu'ils... j'imagine qu'on souhaite tous, en fait, qu'ils reviennent prochainement pour promouvoir ce deuxième album-là, super attendu. On poursuit avec The Glow Part 2, un album de The Microphones qui est sorti en 2001, mais qui vient tout juste d'être réédité. Et The Microphones, en fait, c'est le projet indie rock psychédélique de Phil Evrum, qui depuis 2003 travaille sous un autre nom. Il travaille sous le nom de Mount Airy, peut-être que vous connaissez, qui est un projet en fait un peu plus folk que The Microphones. Donc on va écouter une de ces chansons-là de cet album-là qui est réédité, chanson qui s'appelle « The Moon » de The Microphones à l'émission « Le Terminus ». Silent. Rock My Accent de la formation montréalaise Mavo, qui lançait la semaine dernière un 7 pouces de 3 chansons sur le label de Torontois Fixture Records. Et c'est à cet endroit-là que vous pourrez vous procurer le 7 pouces. Également, je crois qu'il est également en écoute sur le fixturerecords.bandcamp.com. Juste avant, c'était Oneida avec Rose in Licorice, qui est tiré de l'album Anthem of the Moon. On va continuer avec maintenant la position numéro 9 du palmarès chanson franco de CISM. C'est Frites belges de Pony. Ça sera suivi des Mexicains d'Ocean Love et leur chanson Don't Tell Me You Love Me. C'était Baby Come Home de The Love Junkies, une formation de Perth en Australie et qui fait une espèce de grunge rock alternatif là, assez dangereux. Il y a d'ailleurs plusieurs autres chansons de ce genre-là sur leur album Maybelline qui sortait au courant du mois de juin dernier. Et juste avant Love Junkies, c'était Ocean Love avec Don't Tell Me You Love Me de leur EP offert gratuitement sur leur page Bandcamp qui s'appelle Noise Bleed et la pochette de ce EP-là, justement, il y a un gars qui saigne du nez. Alors voilà, c'est... Ça. Pas besoin de lire le titre du EP, on le voit tout de suite. Et on va maintenant commencer ou en fait continuer avec quelque chose qui va changer un peu le rythme, quelque chose de plus tranquille, mais de très très joli quand même. C'est la voix de Courtney Barnett et sa chanson Avant Gardener sur les ondes de CISM 89.3. C'est l'émission Le Terminus qui se poursuit jusqu'à 22h. stops people dying. Anaphylactic and super hypochondriactic. Should have stayed in bed today. I much prefer the mundane. I take a hit from an asthma puffer. I do it wrong. I was never good at smoking bombs. I'm not that good at breathing in. I'm not that good at breathing in. I'm not that good at breathing in. The Kill Moon, une formation anglaise qui vont lancer leur premier album au mois d'août prochain. Album qui s'appellera Black and Blue. Il y a déjà un clip même qui était produit pour cette chanson-là. C'était précédé de Slugs avec Burning Stove, qui sont eux aussi tout nouveaux sur la scène. Et en fait, ils semblent pas avoir en tout cas les mêmes moyens que Kill Moon. Eux, ils ont seulement lancé leur première chanson. Comme je disais, donc je l'ai peut-être pas dit, la chanson qui s'appelait Burning Stove, Lonely Guy. Ils l'ont seulement lancé sur Bandcamp, là, comme ça. Je crois que c'était la semaine dernière, donc gratuitement, sans d'autres moyens promotionnels. Et les gars de Slugs sont de Wakefield, un petit peu au nord-est, là, de Manchester, en Angleterre également. On va continuer avec un combo francophone avec du Peter période pré-saxophone, c'est-à-dire sur son premier album qui est sorti en 2011. Mais tout d'abord, on y va avec les Beaustrons de Arthur Buis et leur chanson « Comme des paresseux » à l'émission « Le Terminus ». Parfum minant, je Peter porte bonheur. Reste à l'écoute dans quelques instants, c'est Zika Mendes et son émission La MyFi qui s'en vient. Pour retrouver comme d'habitude la liste des chansons que je joue pendant l'heure, ça se retrouve sur le CISM893.ca dans quelques minutes. Également le Terminus.ca pour écouter ou même retrouver les archives de l'émission. On va se quitter avec du shoegaze, celui de KVB, des Londoniens qui lançaient en février l'album Immaterial Visions. C'est ça qu'on va écouter. Moi, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition du Terminus. Ciao!